l'enregistrement de Noël, exceptionnellement le premier mardi du mois, le 3 décembre. Tout ça au bar Le Passage, 951, Rachel Est. Podcast, nous avons un problème! Bonjour et bienvenue à Balado Division, pas de problème! Oui. Ici Mathieu Bouillon. Bonjour. En compagnie de Étienne Théberge. Salut Mathieu. Salut Fred aussi. Martin Boily. Je vais faire une gag parce que je parle à la fin. Non, c'est moi! Et Frédéric Barbucci. ML Borb. Dop. Et Mel Gibson. N'oubliez pas de voter problème. Pour nous 5 étoiles ou rien sur baladoquebec.com et sur iTunes. Achetez des t-shirts. Mais celui est sap. Oui, non, c'est le Bizarro pas de problème. Donc, Bizarro pas de problème où on prend l'une de vos solutions et on fournit des problèmes qui peuvent se régler par cette solution. C'est l'inverse de d'habitude, c'est fou. Oui, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Et la première fois, le monde a tellement détesté ça qu'on s'est dit, on leur fera pas avant un grand bout. On va trouver une manière qu'ils n'auront pas le choix d'aimer ça. Oui. Et voilà. Donc, on ne l'a pas encore trouvé, mais on le fait quand même. On essaye, yep. Ouais. Fait qu'on change-tu le nom du podcast? Ça s'appelle Plein de problèmes maintenant, c'est ça? Plein de problèmes. Plein de problèmes. Plein de problèmes. Qui a demandé pour le problème. Ça enregistre toujours? Oui, ça enregistre. Parfait. Alors, cette semaine, le problème nous vient... La solution nous vient de qui? La solution d'aujourd'hui pour le bizarro pas de problème nous vient d'un monsieur. C'est un homme. Qui s'appelle Michael Cadillac et qui nous pose comme solution. Apprendre une langue morte. Apprendre une langue morte. Alors, j'ai recherché, oui. Recherché. J'ai fait quelques recherches. Merci, Jeannot. Dans les rues de la ville. Jeannot. Jeannot Bergeron. Un appel a été lancé. J'ai pas cette culture-là. Non. À quoi animait après Michel Richard avec Serge Laprade, les... Garden Party. Je connais juste les Garden Mutts. Donc, les langues mortes, il y a plusieurs branches de langues mortes. Hein? Les langues mortes. Il y a les langues baltes, celtiques, germaniques, italiques, romanes, slaves, pigins. Des païennes, des langues païennes, donc. Pigins. Ah non, mais je sais pas. Sinon, c'est un rapport à créole, celle-là, je pense. Miss Piggins. Non seulement il y a des langues mortes, mais il y a aussi des langues en danger. Beaucoup de langues en danger, des langues autochtones qui sont encore parlées un peu, tu sais, dans... Des dialectes. Oui, ou l'équivalent de... Si personne parlait le français ailleurs qu'en Louisiane, mettons. OK, ouais. Le français serait une langue en danger. Moi, j'ai entendu une histoire de ça, d'une langue en danger, de deux monsieur qui habitent un village qui sont les deux derniers à parler une langue, puis ils saïssent, fait qu'ils se parlent même pas. Ça, c'est malade. Hey, de au moins se parler un peu. C'est... Vous êtes les deux derniers, là. Come on! Mais ils peuvent pas l'apprendre, chacun une autre personne. Ben, peut-être, mais ils le font pas. À leur petit-fils qui saillissent aussi. Ouais. Quand meurt cette langue-là? Ils se détestent sur des générations. Tu sais, c'est qu'une langue, ça peut se réinventer aussi, tu sais. Genre, on pourrait décider que nous, on starte une langue, là. Le Klingon. Le Klingon, ça a été... Mort. Mais en fait, ça a été... non, c'est pas mort, mais je veux dire, ça a été inventé par des linguistes, là. Ouais, c'est ça, l'elfique, tout ça. La langue du groupe Magma, là. Tu sais, le groupe de rock progressif Magma, là, ouais. On n'a pas un ami qui parle cette langue-là? On a un ami qui parle de magma, je pense. Il parle toute cette langue-là, pour vrai? C'est-tu vraiment votre ami? Oui. Des deux. On le connaît. C'est-tu mon ami aussi? Je le connais-tu? Oui, tu connais. Oh, misère. On n'aura pas de nom, mais il se reconnaît. Oui. Donc, à quoi peut... quel genre de problème peut être réglé par apprendre une langue morte? Comment garder ses aptitudes cérébrales vivantes. Cher, pas de problème. Ouais. Oui, cher, pas de problème. J'aimerais garder mes aptitudes cérébrales bien vivantes. Apprends une langue morte. Cher, pas de problème. J'ai un petit kick sur un archéologue. Comment attirer son attention? Apprends une langue morte. L'amour, c'est sûr. Ouais, ben oui. Mais il y a comment mieux comprendre une langue vivante, hein? Peut-être que, je sais pas moi, par exemple, le français ou peu importe, apprendre la langue morte qui découle de... Ouais, qui apprendre le latin pour mieux avoir un meilleur orthographe. Officiellement, le latin est encore vivant parce que c'est la langue officielle du... Vatican? Du Vatican. Ouais, mais ça, c'est une affaire morte. Son Vatican. Ou, cher, pas de problème. Mon enfant est polyglotte et quand moi et mon conjoint essayons d'avoir une conversation et on ne veut pas qu'il comprenne, on ne sait pas quel langage utiliser. Aidez-moi. Ou cher, pas de problème. Banjo Bouchon. Oui. Ou cher, pas de problème. Lorsque j'essaie de parler cochon avec ma conjointe, mes enfants comprennent toujours. Oh. Comment pourrais-je leur cacher mon petit secret? Juste pour parler cochon. Ouais, une langue morte pour parler cochon. Je sais pas si c'est des mots grivois, mettons, dans des langues mortes. J'ai dit plot en langue morte. Cher, pas de problème. Depuis le décès de mes parents, de mes enfants et de tous mes amis, je cherche à trouver quelque chose de constructif à la mort. Une langue morte. Ouais, c'est bon, ça. Mm-hmm. Chat, pas de problème. Je viens de créer une société secrète, mais malheureusement, nous n'avons pas de locaux et nous devons nous rassembler au Tim Hortons. C'est possible de trouver. Comment pouvons-nous... Vous faites la suite, là. Oui, pour nous tenir nos réunions sans que personne autour nous comprenne. Merci. Oui, mais il faudrait que ce soit dans une place là, où il y a plusieurs ethnies là, qui pourraient comprendre. Là, sinon, tu pourrais apprendre le portugais. Aux Nations Unies. Oui. Cher, pas de problème. Je suis une belle fille qui a vraiment des gros knockers et je cherche qu'est-ce que je pourrais mettre dans la colonne intérêt de mon profil Lava Live pour ne pas me faire écœurer que par des douchebags. C'est bon. Cher, pas de problème. J'ai du mal à me trouver un emploi et je cherche une façon d'attirer l'œil curieux d'un futur employeur. Après, comment pourrais-je procéder? Prends tes langues mortes. Mais il n'y a pas de quoi la CIA, tout ça, des codeurs, là, ouais. Où ils ne faisaient pas ça avec justement les autochtones pendant les guerres. Ouais, des genres de décrypteurs. Ouais, là, c'est ça. Qui, justement, probablement les deux messieurs qui saillissent, là. C'est de là que ça a parti, oui, ça. Un qui travaille pour la CIA, l'autre pour le KGB. Justement, tu sais, devenir... apprendre... C'est ça. Tu veux devenir codeur pour la CIA, ben... Apprendre une langue morte. Ouais. Qu'est-ce que je dois apprendre à faire pour... si je veux tolérer le fait que mon amoureux French vraiment très très mal et que sa langue est très passive. Tu dois apprendre une langue morte. On est ailleurs. On est vraiment ailleurs. Étienne, Étienne veut rien savoir. Mais, OK. Cher, pas de problème. Je suis en train de faire une application traducteur universel et j'aimerais bien la tester avec quelque chose de solide. Apprendre une langue morte. Je cherche à faire une application traducteur d'une langue, mais malheureusement, toutes les langues ont déjà été... Je cherche à faire un dictionnaire français quelque chose. Malheureusement, toutes les langues ont déjà été utilisées. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, c'est bon, ça. Oui, cher, pas de problème. La fille de mes rêves, étudiante en langue, ne s'intéresse pas à moi. Cher, pas de problème. Je souffre du syndrome Gilles Latourette et quand je vais dans les pays du monde entier, je ne passe pas inaperçu. Oh. Comment puis-je profaner des jurons sans que personne s'en rende jamais compte? Solide. T'avais quelque chose, Étienne? Cher, pas de problème. J'ai passé l'après-midi avec Whoopi Goldberg à tenter de parler avec un ancien ancêtre. Mais je ne comprends rien de ce qu'il dit. Comment pourrais-je comprendre? Prendre une langue. C'est bon. Cher, pas de problème. J'ai de la misère à retenir des trios de mots. Par exemple, genre une vache verte, je ne suis pas capable de retenir ça. Ou une voiture bleue, je ne peux pas retenir ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux me pratiquer? Apprendre une langue morte. Une langue morte. Oh, okay, c'est une langue morte. Apprendre une langue morte. Okay, une langue morte. Ok, bien, oui. Okay. Oh. Non, j'aime ça, comment tu penses? De revirer un peu le... Ouais. Je veux pouvoir faire des coups au téléphone dans le monde entier sans que personne me comprenne. Que puis-je faire? J'ai pas de problème. Je fais un discours aux Nations Unies. J'aimerais fucker le traducteur. Oui, j'ai pas de problème. J'aimerais m'adresser au pape, mais c'est tellement horrible ce que j'ai à lui dire que vaudrait mieux qu'il ne comprenne pas. Apprendre une langue morte. J'aimerais apprendre par cœur le mode de vie d'un très, très long vison. Apprendre une longue marte. Non. Pas prendre une longue marche. Cher, pas de problème. J'ai beaucoup, beaucoup de temps libre. Avez-vous quelque chose à me suggérer pour meubler, meubler ce temps? By the way, je connais toutes les langues. Cher, pas de problème. Je suis déjà expert en Lego, en fusée, en chien, mais il y a d'autres experts. Pourrais-je devenir expert en quelque chose, mais seul? Apprendre une langue morte. Je ne sais pas quoi faire de cette belle après-midi en forêt. Apprendre une longue marche. Cher, pas de problème. Je ne sais pas quoi faire de mes temps libres. Mes derniers passe-temps favoris ont été apprendre à à embaumer un mort, ont été apprendre à colorer une morte, apprendre à peindre une nature morte. Que puis-je faire maintenant? Qui serait dans la même mort. Qui serait cohérent. Apprendre une langue morte. Messieurs, si ça peut vous aider, là. OK. Langue chamito-sémitique, il y a l'Égyptien ancien. Langue sémitique acadien, mais avec deux K. Oh. OK. Babylonien, assyrien, hébreu biblique, phénicien, oubique. Ça, c'est des vieilles langues, ça? Oui. Les langues finno-ougriennes. Hein? Il y a les langues pré-indo-européennes. Hey, ça, c'est fou, là. Le groupe balte, là, il y a le scalvien. Mais j'essaie de vous donner du jus là, pour vous amuser. Oui. Non, ça marche pas. Sudovien. Cher, pas de problème. Oui. Je viens de m'échouer sur une île déserte et je ne sais pas quoi faire de mon temps. By the way, tout ce que j'ai trouvé, c'est un hébreu biblique pour les nuls. Ouais, c'est bon. Apprendre une langue, moi. Ouais. Il y a le vieux prussien, cambrien, galate, gaulois, bien sûr, les pontiques. Burgonde, gothique, bon, c'est ça, lombard. Cher, pas de problème. Je trippe sur la chanson Allegria et je voudrais en composer une moi aussi. Oh! Comment puis-je en faire une aussi incompréhensible? Cher, pas de problème. L'auteur Marie Laberge vient d'écrire un nouveau roman qui s'appelle Une langue morte. Comment est-ce que je peux prouver à Marie Laberge que j'aime beaucoup son œuvre? Ouais, c'est bon. Apprendre une langue morte. Cher, pas de problème. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir d'excellentes chances de passer à tous pour un? Ben oui. Qu'est-ce que je pourrais? Ouais, c'est bon, ça. Et de rencontrer François Reddy. Non, c'est vrai. Ou Jean Besseret. Ouais, apprendre une langue morte. C'était pas. Prendre une morte. Ouais. Pas Gilles Goujon? Non, c'était Jean Besseret avant. Oui, je sais. Ah, peut-être avant Gilles Goujon, je sais pas. Il y a eu Jean Besseret. Il y a eu Gilles Goujon. Mais avant... Avant la facture. Oui, non, mais avant Francis Reddy. Avant Francis Reddy, okay, oui. Ça se peut. Apprendre une langue. Le prochain, ça va sûrement être Boucardiouf. Il va animer ça. Oui. On s'en suit là. Mon grand-père disait toujours. Ou Jean-Nicolas Véro. Et pourtant, Francis. Cher, pas de problème. Je viens de piller la tombe de cette femme. Je ne peux pas lui voler aucun bijou. Je veux lui prendre juste une chose inoubliable dans la tombe. Qu'est-ce que je peux prendre? Prendre une langue morte. Cher, pas de problème. Je viens de violer la tombe de Anubis. Comment puis-je m'excuser? Oui! Je viens de violer la tombe d'Anubis, mais je comprends fuck all de ce qui est écrit. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et finalement, une joke de langue dans le vinaigre, peut-être? Ou pas. Non. Cher, pas de problème. Je me suis perdu dans une grotte depuis 8 ans et je viens de découvrir des écrits. Ouais, mais je sais pas. Oui. Mais je vous écris ça, je ne sais pas comment. J'ai sculpté un pigeon que j'ai envoyé dans l'air. Ou sinon... Les Morlocks m'ont aidé. Cher, pas de problème. Oui, blabli, gougi, blugli, blabli, blabli, blugli, blugli, blugli, blugli, blugli, blugli. Que là, pouvez-vous faire? Il va falloir qu'on apprenne une langue morte. Mais là, à ça, c'est apprendre une autre langue morte. Oui. C'est bon, ça. Cher, pas de problème. Syntaxe, beaucoup problème, moi. Améliorer comment? Je peux, toi, aider. Apprendre une langue morte. Ouais. Ben, écoutez, on a plein de pistes. Beau problème. Je me demande quelle sorte de carte de fête je pourrais donner à ma mère. T'as juste à prendre une Hallmark. À prendre une Hallmark. Tabarnache. OK. C'est difficile, les bizarres. On a repoussé problèmes. Les limites, là. C'est difficile, les bizarres aux problèmes. Ouais, mais surtout quand tu te mets des barrières comme ça. Là, ben, je m'excuse, Mathieu. Mais on a trouvé beaucoup plus de problèmes que la dernière fois. Là. Ouais. Mais attends, je cherche les langues en voie de disparition. Là. Une langue de cougar, une langue de c'est déjà le panda. Non, mais peut-être que justement... Une langue d'aigle la tête blanche. Le bruxellois, tu sais, c'est dans les langues... Le luxembourgeois... Il y en a beaucoup en France. Le luxembourgeois. Oui, mais ouais. Mais ça marche pas, Fred. C'est des langues en voie d'être mortes. Mais non, mais tu tues tout le monde autour de toi. Puis là, c'est... Cher, pas de problème. Attends. Comment puis-je être le dernier à faire quelque chose? Le yiddish est en danger quand même. Le yiddish est en danger. Voyons, le yiddish est en danger. Dans mon wallon. Dans mon cours, on est 30 au Père Sablon. Non, à côté. Non, mais le yiddish, j'ai entendu dire qu'il y avait juste deux vieux monsieur qui parlaient. D'un qui est fâché après l'autre. Ouais. Il a chié son barbecue. Pourtant, on connaît tous des chansons en yiddish. Tu sais. Yiddish mouton, ouais. Yiddish mano. Je serais pas surpris que François Pérusse ait déjà fait. Yiddish. Ish libidish. Ben voilà. Ben oui. Non, mais ça, écoute, on va peut-être le refaire dans une couple de mois. Encore un succès. On va attendre de voir vos commentaires. Ouais. Puis écrit en langue morte, c'est possible. C'est notre cadeau de Noël. Oui. Non, pas tout de suite. On est juste le 6 décembre. Ben attends, on a fêté l'Halloween le 8 octobre. Oui, d'ailleurs, vos costumes étaient magnifiques. On vous avait demandé de vous costumer jusqu'aux chevilles. J'ai vu là, des guêtres exceptionnels. Oui, moi aussi. Moi aussi, c'est malade. Magique. Ben voilà. Hey, mais envoyez-nous vos problèmes. On veut les problèmes, pas les solutions. Les problèmes à pasdeproblème@gmail.com ou sur Facebook ou sur Twitter. Et aussi par téléphone, hein, sur notre courriel. Pas par téléphone, mais je veux dire... Enregistrez-vous avec votre téléphone. C'est ça. Merci, Étienne. Et on vous demande de nous suivre sur baladoquebec.ca. À la Lime, hein? On joue à la Lime les dimanches soirs. Déjà bien entamé cette saison-là. Oui. C'est au Lion d'Or les dimanches, mais là, ça doit être ça fini. Achève c'est fini là. Ça recommence en janvier. En janvier. Et voilà, rendez-vous au prochain enregistrement. Regardez les annonces sur notre page Facebook maintenant, sans spammeur. Oui, depuis que ça a été réglé, ça, il y a de cela déjà très longtemps. Fait ouais. qu'à prochaine chicane. À prochaine chicane. Mais tu peux-tu le dire dans une autre langue? Morte! À prochaine chicane. Ah oui, qui ressemble de... C'est mort, mais... Très bruxellois, quand même. À prochaine chicane. C'est mort, mais c'est encore... Non, celle-là est en danger. À poussine. Bon, mais sinon, n'oubliez pas de voter 5 étoiles ou rien. Vous allez vous chercher un chandail sur MrDressUp.com. Oui. Là, j'ai dit, n'oubliez pas de voter 5 étoiles sur rien. Là. 5 étoiles ou rien, en fait, c'est sur Balado Québec et sur iTunes. Oui. Mais je l'ai dit tantôt, j'ai dit au début. Ben oui, tu l'as dit parce que là, c'est la fin. OK. C'est moi qui dis, vous avez un podcast, nous avons des problèmes.